dira rien que tu me feras pour conjurer le son. Pour nos parents, pour la vie, pour l'amour, pour un kid, pour la vin, pour la scène, pour comprendre enfin pourquoi la magie. Je suis libre, mon cœur amoureux. J'en mets un des trop grands qui pensent être des dieux. Juste à ces soldats, déposer mes armes. Aujourd'hui, je bâtis à coup de super vague ma mère. Le monde que je veux, non, ce monde. Pour nous donner un monde. Comme je veux, oui, ce monde. Non, pour nous donner. Pour nous pas dire. C'est sous les jetés, et ton qui te ferait l'avant que d'exploser les civils, militaires bondés, les grades déprimés sans jamais regretter, mais faut pas leur en vouloir que l'on te laisse tes choix. C'est bon de m'enfuir, la vie bonne, c'est pour t'y protéger. Patriote, un ami et nôtre, à qui l'on n'a pas su montrer qu'il suffisait de s'aimer, t'y protéger. Patriota.